بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنصوب تدريبات الدرس السابع. مكوجي لي اكزرسيس دو 7 كو كي ايتي في المكتب العقاري. لا جوسكا لو بروشان درس عاشر. Comme j'ai expliqué, on va faire les murajah des kalimah. Mais après l'ashir, on fera en fait, les kalimat mubashara le jour où on fait les exercices. C'est-à-dire le jour où on prend le ders, nakra, nakhouze kalimat, on fait les tadribat sur place. Et le lendemain, tu fais l'exercice plus je t'interroge sur les mots après. À chaque cours, ou à tous les 5? Là, à chaque tadribat, chaque correction d'exercice, en fait. Ah, ok. Comme c'est là, tu as ça fera un gain de temps. Là, on va laisser jusqu'au ders 10. Okay. Ou plutôt, non. À partir du prochain ders, tu t'interroges sur ces kalimat, celle-ci. Depuis le ders 5. Et après, au fur et à mesure, chaque ders, on prendra les kalimat. Comme ça, on avance. On n'a pas besoin de faire une moraja à chaque fois. C'est des mots, ils sont, alhamdoulilah, ils sont simples. Et plus tu les prends vite, et plus ils restent avec toi. Biznillah ta'ala. Comment les fautes au début avec Ali, en fait. Ouais. C'était le lendemain directement que j'interrogeais. Taïf. Ajib an as'ila. Qal, bima ajaba sahib al-maktab Othmana indama qala lahu nuridu shiqqa munasibatan sadiqi. Qal annahu ladayhu anwa'u mukhtalifatun min ash-shiqqa. الكبيرة من الشقاق الكبيرة والصغيرة وهي مختلفة الأسعار. طيب juste dans ce que tu as dit là, il y a du vrai, en même temps il y a un tambis, c'est à dire la deihu. Et le mieux, la deihu, c'est permis de dire la deihu, mais c'est qalil el istirmal, donc mieux que tu dises la deihi. Si tu dis la deihu dans le Coran, c'est venu bima ahada alayhi Allah le de alayhi Allah. Athani, hal kullu ash-shiqaq mafroucha? Tous les appartements sont ameublés. Thalithan, ما طريقة دفع الإيجار؟ فيه طريقتين. فيه طريقتان. طريقتان. الدفع سنوية والدفع شهرية. أيوة. le paiement mensuel, le paiement annuel. رابعا ما طريقة الدفع التي أعجبت عبد الله؟ الطريقة الشهرية. لماذا كان الإيجار الشهر مناسبا؟ لأنه مع ذلك لا ينفق لا ينفق كثيرا في مرة واحدة. نعم. سادسا ما رأي عثمان في الشقة المفروشة؟ يظن أنها أغلى من الذين غير مفروشين. من الذين لا. من التي غير مفروشين. سابعا متى رغب عبد الله في رؤية الشقة؟ سيتيم كيستيون. أوي جميع الآن. طيب ثاني اللي في وصلنا كذا سادس كذا. طيب تفضل اقرا الجمله مع الحرف مباشره وترجمها. وصل احمد ومحمد في وقت واحد. Non, bon, là c'est waouh, pas la peine parce qu'on a fait les tarjamas déjà la dernière fois en fait. Donc là c'était waouh, Arsent. Non, yudfa'u l'ijaru sanawiyan ou kulla san ou kulla sittatin ashhur. Que l'ijar est payable mensuellement ou tous les 6 mois. Alors, innani aghrabu min 'asir. Là. C'est pas mine. Fi. J'ai envie de jus. En fait. Rabi'an. Astamirru fil amal min as-sabah hatta al-masa. Naam, hatta jusqu'à ce soir. L'après-midi. Ahdara az-zahour. Az-zahoura min makan ba'id. Naam, il a amené des fleurs d'un lieu lointain. ثم قلنا السابع هكذا كمد الكلمات عندي جملة مفيدة صاحب صاحب المكتب قال أنه عند أنواع قال لا سن فايدة quand ça vient après قال verbe قال يقول tu dis pas قال أن كذا tu dis قال إن كذا بكسرة الحمزة بكسرة الحمزة. C'est une erreur que beaucoup font, même que la plupart font, parce que souvent c'est le N qui vient fréquemment, mais en réalité après qala, c'est qala inna. Takul qala innahu kaza wa kaza. C'est inna après qala. Bikasr al-hamza. Et non pas al-fatah. Mais c'est vrai que c'est tellement peu utilisé, tellement peu. Constater qu'on ne fait pas attention et on marche à Mayajiri et Al-Sina. Alors, innahu anwa'un mukhtalifatun. Tarjim, je me l'attaque. Mais, je fais cette partie-là. Alors, le propriétaire du bureau a dit qu'il avait des différents types. Alors je mets Minchira, voilà, différents types d'appartements. Ensuite je mets عنده هذا هذا النوع مفروش وهذا يختلف هو غير مفروش. وهو غير مفروش. Alors il a ce type ameublé et ce type différent qui est un type pas ameublé. Donc, celui qui n'est pas meublé est composé de 4 chambres. أنا أفضل هذا النوع لأنه أرخص من المفروش من المفروشين. وعندي صديقي أخذ ذلك وأثنى وأثث المنزل ولا أوكذا. وأثث منزلي بعد. En fait, je voulais dire que moi, je préfère ce genre d'appartement. Et j'ai un ami qui a pris ce type d'appartement et qui l'a ensuite ameublé après. Qu'il a ameublé lui-même. Mais t'as dit Afafa Menzili. Menzili. Afafa Menzili. Ah, Menzilahu. Ah oui. Sa maison à lui. Mafulumbi. Sanatan Kamila. Alors est-ce que Zayd va payer chaque mois ou est-ce qu'il va payer l'année entière? نعم. ensuite la dernière phrase j'ai mis al manazilu mutafawatun parce que j'avais pas mis ce mot là. لكن لا l'aurait pas pu parce que manazilu c'est un jam غير عاقل. ça aurait été mutafawatatun. ça aurait été un féminin mufrad. خير ان شاء الله. طيب بعد هذا قلنا الثامن كذا تمتي بو دون لورد. استاجر علي استاجر استاجر علي شقه وفراشها. نعم. Que Ali a loué un appartement, il a ameublé. Thanian. Sadiqi, l'ami faddilu al-loun al-ladhi al-ladhi yajid fi fi l'ahdiya. J'ai changé quelque chose parce que j'ai changé le damier, maintenant je vais enlever parce que j'ai pas trouvé de. Je crois que tu as changé. Je crois que ça marche pas avec ça. Je crois que c'est une erreur ça. De quoi? Il y avait une dame ici. Ouais, c'est une erreur. J'avais dit c'est là mais faute du le hou. Le hou là. Je crois qu'il n'y est pas. T'arrête là, pas, c'est ça, c'est ce qu'ils ont pas mis la harakat. Parce que moi, je l'ai pas mis dans la phrase là. J'ai mis dans le sens mon ami, il ne préfère pas cette couleur qu'il trouve dans pour les chaussures. Mais si je laisse. Non, tu aurais pu dire Sadiqi yajid fi al-ahdiya al-lawn alladhi lam yufaddilhu. Que mon ami a trouvé dans les chaussures la couleur qu'il ne préfère pas. Là aussi, ils ont fait une erreur, ils ont mis yajid avec sukun, et là c'est dhamma. Car le dhamma revient forcément à quelque chose, et là il revient à quoi? Avec alladhi, on a dit qu'alladhi yartaji les jumla sila bardahu. Dans cette jumla, il faut qu'il y ait un domir qui revienne. C'était ça l'indice qui aurait pu t'aider à. Elle l'a dit, il faut que tu aies un domir qui revienne. Taïb. Thalithan. Sahibu Shakatin. Sahibu Shakatin. Ajabahu Annaha Jamilatun Wanadifatun. Ok, le propriétaire du appartement a dit qu'il était. A répondu qu'il était propre et beau. Non. هذا فقط صح؟ نعم. طيب أحسنت ونكتفي بهذا اليوم. تقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.